Pierre, bonjour à tout le monde. J'essaye de venir répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Donc, je me fais le devoir ici donc de venir répondre. Je vais répondre naturellement à quelques-unes de vos préoccupations. Ceci en rapport avec une question qui m'a été posée. Et donc, je vais tenter de donner mon point de vue par rapport à la pratique que j'ai toujours faite. Bien, soyez tous salués, que Tata Mwanga vous bénisse. Et depuis la forêt de nos ancêtres, je viens donc, pendant mon retrait, profiter de ce voyage privé, essayer de rentrer en communion avec la grande forêt, avec nos ancêtres. Malgré cela, j'ai quand même eu, bien que la connexion n'étant pas bonne, donc je profite quelques heures lorsque je vais en ville, essayer de prendre un peu de l'air, naturellement lire les questions. Et comme j'avais dit, ce voyage était un voyage très privé, je n'ai pas voulu annoncer à qui que ce soit. Et voilà pourquoi je suis ici. Donc, je disais, je suis ici pour essayer de rentrer en communion avec la mère nature. Alors, il y a quand même quelqu'un qui est au pays, qui a souhaité que je le rencontre, mais les circonstances ne me permettant pas de rencontrer qui que ce soit, je suis venu pour faire certaines choses et dont je n'en parlerai jamais. Vous savez, quand on est dans la voie spirituelle, il est toujours important de se ressourcer. Il est toujours important de venir de temps en temps se ressourcer, au moins une à deux fois par an. Et pendant ces périodes-là, donc, vous avez le temps naturellement de pouvoir mieux vous harmoniser et rentrer en communion avec ceci. avec la forêt. Alors, il y a une question fondamentale qui m'a été posée. La question qui m'a été posée a un rapport avec les habits de quelqu'un qui a été victime d'une mort brutale ou subite. À quoi servent ces habits? Que pouvons-nous faire pour quelqu'un qui a été arraché des siens de manière brutale? Que doit-on faire et que peut-on faire? C'est la question qui m'a été posée directement. Donc, je vais venir partager avec vous ici donc, mon point de vue. Et ça n'engage que moi. Par rapport à mon expérience dans le monde spirituel, je vais donc répondre à cette question bien précise. Première question. C'est une question avec sous-question, avec deux sous-questions. La question fondamentale est celle de savoir, quelqu'un meurt de manière brutale, il a son linge sur lui. Que peut-on faire donc de ce linge? Quelqu'un qui meurt brutalement, naturellement, quand je parle de brutalement, ça peut être un accident de circulation, ça peut être un accident de travail et autres, mais il a ses habits sur lui. Alors, les deux questions sous-jacentes sont les suivantes. Que doit-on faire de ces habits-là que le partant a laissés? Y a-t-il un danger ou bien y a-t-il une connexion entre les habits de celui qui nous a quittés et le commun des mortels qui sont restés? Ou y a-t-il une relation entre l'habit de l'âme désincarnée, puisqu'il habitait un corps physique. Et comme il habitait ce corps physique est naturellement habillé. Le corps spirituel a son habit, à lui, que vous ne pouvez pas voir. Mais le corps physique a les habits, comme vous pouvez le voir là. J'ai des habits sur moi, j'ai des ornements. Ok? Voilà. Maintenant, s'il arrive que, alors je vous parle, je suis dans la forêt là, alors je vous parle, s'il arrive que quelqu'un tout de suite va, je ne sais pas moi, me tirer dessus ou bien un accident peut arriver. Je vais vous montrer là, je suis bel et bien, pardonnez-moi, qu'est-ce que je fais? Ouais, je tentais donc vous mettre en contact direct avec la mère nature. Vous le voyez, je suis bel et bien dans la forêt. Maintenant, pendant que je suis ici, il peut arriver que je puisse avoir un accident. Un gorille peut débarquer et venir m'agresser. Et j'ai ces habits-là sur moi. Donc, la question qui est posée est celle de savoir, maintenant, ou qu'est-ce que les gens feront de les habits que j'ai sur moi. C'est ça la question qui a été posée. Bien. Maintenant, je vais vous répondre. Clairement. Premièrement, retenez bien. Je vous avais donné un enseignement. Que tout ce que nous touchons, tout ce que nous possédons, s'imprègne de notre âme. S'imprègne de notre corps énergétique. S'imprègne donc de toutes nos énergies en nous. Et voilà, je vous ai donné un enseignement ici, vous pouvez le vérifier sur ma chaîne YouTube, intitulée, comment dirais-je, où je disais qu'il faut faire attention aux endroits où nous asseyons, il faut faire attention aux objets que nous touchons, il faut faire attention parce que nous dégageons, voilà, justement, nous laissons une partie de nous. Nous laissons nos empreintes. À l'école des Blancs, j'ai même développé ça. On parle des empreintes digitales, mais il y a également des empreintes mystico-spirituelles que nous laissons. Et ces empreintes mystico-spirituelles que nous laissons, malheureusement, ne peuvent point nous épargner de tout danger. Maintenant, la question qui a été posée aujourd'hui, elle est très fondamentale, car Il est question de savoir que quelqu'un qui meurt tout de suite par un accident mortel, que peut-on faire de ses habits? Bien, moi j'ai appris auprès de mes amis brésiliens, au niveau du Gabon, j'avoue que c'est une question que j'ai essayé de demander à mes quelques frères initiés là, où je suis descendu dans la forêt. Ils m'ont donné vraiment beaucoup d'informations, mais que je n'étais pas obligé d'accepter. Parce que vous savez, je suis avant tout, j'utilise toujours l'esprit cartésien en tant qu'initié. Je ne suis pas un initié de mystère qui accepte bêtement parce que, accepter comme la foi. Parce que la foi est la ferme attente des choses que l'on ne croit pas, mais c'est la claire démonstration des réalités que nous devons simplement accepter parce que la conscience collective y croit à cela et que vous, en tant que conscience individuelle, qui est connecté à la conscience cosmique universelle de Teta Munga Dibanga Banga, c'est-à-dire la conscience universelle, vous ne devez pas bêtement accepter parce que la conscience collective vous a mis dans un système de programmation, ainsi je l'appelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de croire à quelque chose. Mais mes frères initiés ici de la grande forêt équatoriale m'ont donné certaines informations, j'ai filtré quelques informations. Et beaucoup de certaines de ces informations s'accordent avec les informations que j'ai reçues auprès de mes amis brésiliens. Et quand je parle des amis brésiliens, je fais allusion aux Indiens, aux Amérindiens du Brésil. Vous savez que les Amériques, que ce soit en Amérique centrale, en Amérique du Nord, ou l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis et le Canada, Amérique du Sud, Amérique de l'Est ou de l'Ouest, vous allez dans toutes ces zones des Amazonies, nous avons quelque chose de commun. Dans les forêts amazoniennes, donc au niveau de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, ils utilisent quelque chose qu'on appelle une liane, la liane amère. C'est une liane initiatique qu'on fait, qu'on tape, on la tape. Et je m'en souviens qu'à l'Ambaréné, nous avons une liane semblable, sauf que nous l'utilisons pour tuer les poissons, nous l'utilisons pour faire des lavements. Dans le lac Azingo, j'avais découvert la même liane, une liane semblable. Mais au niveau de nos frères là-bas, ils utilisent cette liane-là pour biloquer, pour des cérémonies initiatiques. Donc c'est pour vous dire que les connaissances de base sur les phénomènes mystico-spirituels, c'est presque pareil dans la plupart des traditions. Mais sauf que les explications varient d'un fond à un autre. La forme peut varier, mais le fond reste le même. Donc, dans le fond, la ressemblance que j'ai trouvée entre les explications que mes frères des forêts ici m'ont expliquée et celle des frères des forêts de l'Amérique centrale, voici le point commun. L'habit dont portait le partant ou le défunt dans le langage humain, l'habit dont portait notre frère qui, ou notre sœur qui s'est désincarnée, joue un rôle important dans certaines pratiques mystico-spirituelles. Mais je pourrais plutôt mettre l'accent dans la pratique mystico-sorcière. Qu'est-ce que j'entends par mystico-sorcière? C'est-à-dire, c'est des pratiques à la fois qui sont mystiques, donc inconnues du commun des mortels, mais dans le but de nuire à la fois l'âme du partant, ou bien nuire la société. Donc nuire le lien ombilical familial. Voilà ce que j'entends par dans des pratiques mystico-sorcières. Deux aspects vont sortir de cette pratique mystico-sorcière. La première, c'est que lorsque le partant, un accident brusque, quelqu'un qui tombe, les gens rentrent en possession du linge, culotte, le haut, pantalon, slip, si possible même le chapeau, tout cela, ils rentrent en possession de ça. Alors ils vont faire des pratiques mystiques. La première pratique mystique est une pratique mystique positive. Ce que j'entends par pratique mystique positive, c'est que nous venons de perdre un parent qui a sûrement la quarantaine. Est-ce que c'est normal Quelqu'un qui a à peine 40 ans, nous le perdons. Alors la question qui se pose est la suivante. Il y a un mystère. Ce mystère est que on ne peut pas accepter quelqu'un qui a à peine seulement 40 ans nous quitter brutalement. Il a la famille. Hein? Il a une veuve. Il a laissé une veuve. Maintenant, comment expliquer que là, il laisse la famille, il s'en va? Hein? Est-ce que ça, c'est une mort selon la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une mort naturelle, comme on le dit? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment une mort naturelle? Se posons la question. Et c'est ça qui, de loin et de près, intéresse la plupart de nos frères initiés. C'est ça qui intéresse la pratique. C'est ce qui intéresse dans certaines contrées, que ce soit en Afrique ou encore au Brésil et même en Europe, hein, je vous informe. Il y a des gens qui s'intéressent à ça, de loin ou de près. Donc, les parents, donc, dans la pratique mystique positive, vont faire quoi? Ils vont, dans ce cas bien précis, faire certains rites. Ils vont prendre ces habits et ils vont rentrer dans une certaine rituelle pratique qui consiste donc à pouvoir entrer en contact, d'abord, l'habit du partant, l'habit du défunt, à, si vous voulez, une connexion avec l'âme du partant, d'à cause de son corps énergétique. Parce que tout ce que nous portons décharge une partie de nous-mêmes. Donc, l'habit, la chaise où nous nous asseyons, l'objet que nous touchons, notre téléphone, et même notre mwanzu, même ceci, le fait de toucher ça constamment, le jour où nous quittons ce monde, nous devons nécessairement, et tout initié le sait, appeler les siens, les faire asseoir, et dire voilà, mon fils ou bien ma fille, ça dépend de qui vous allez donner ce pouvoir-là. Voilà, ça là, prenez. Si c'est l'onchege, c'est la même chose. Je dois remettre ça à quelqu'un, parce que tous ces objets sacrés sont imprégnés de ma réalité. Ce chapeau également est imprégné de ma personne. Cet habit traditionnel que je porte est imprégné de ma personne. Alors, le rite qui se fait, lequel, c'est que ce rite, toi, monsieur Mboumb Moussabou, tu es mort de manière brutale, nous ne savons pas pourquoi, mais pour nous, nous ne sommes pas d'accord que ce soit Dieu. Parce que la volonté de Dieu, souvent dans nos langages religieux, on nous dit, oui, ce fut la volonté de Dieu. Ce sont les dieux qui ont voulu que vous mouriez de cette façon. Mais je tiens à vous rappeler que Tetra Mwanga, l'être suprême, Dieu d'amour, il ne peut pas être d'accord d'une mort prématurée. Voilà pourquoi nous avons nos traditions, et d'ailleurs la plupart des grands initiés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, un peu partout où j'ai été, on a découvert que la plupart des grands initiés, ils vivent en moyenne entre 95 voire 150 ans. C'est-à-dire jusqu'à ce que les dieux décident. Et là, il faut l'accord de tout le cercle d'initiés. S'accord à faire partie. Bon, bref, donc, la pratique mystique sorcière qui va se faire, j'entends par mystique quelque chose de secret, synonyme un peu d'occulte, dont le commun des mortels ne peut pas comprendre, parce que la pratique religieuse est également une pratique mystique. La mystique chrétienne, la mystique islamiste qu'on appelle le soufisme, donc la connexion avec le monde de l'au-delà, tout cela tourne autour de la mystique. Maintenant, pourquoi une mystique sorcière? Ben parce que une mystique sorcière positive, mais parce qu'on veut savoir pourquoi M. Moussabou Bounda est mort de manière brutale. Maintenant, ceux qui maîtrisent les gars, qui sont les gardiens des arcanes secrètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc faire des consultations. Lesquelles consultations vont permettre donc les ancêtres de rentrer par des appels, des invocations, des incantations, de rentrer donc en contact avec l'âme de monsieur Moussa Rouboud. Donc, Moussa Rouboud, on va chercher le contacter à travers ses habits. Au travers donc de ses habits qu'il a laissés, nous allons nous intéresser pourquoi, en fait, il nous quitte. Et puis donc, l'expert, je vais dire quand j'entends par expert, le sorcier qui est le prêtre des arcanes secrètes, va par une méthodologie bien précise rentrer en communion donc avec l'esprit de monsieur Moussa Rouboud. Moussa Rouboud. Donc, l'esprit de Moussa Rouboud va se connecter. Et c'est ainsi que les pratiques vont consister donc aux gens qui sont là de pouvoir maintenant dire « Ben, monsieur Moussa Rouboud, si vous êtes mort naturellement, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes mort, ou bien votre mort a été précipitée par quelqu'un, eh bien, nous aurons donc ici à savoir qui est ce quelqu'un. » Alors, non seulement ils vont savoir qui est ce quelqu'un, mais en même temps, ils vont canaliser l'esprit de ce quelqu'un. Voilà comment ça se passe. Donc, non seulement à travers les habits de M. Moussa Rouboud, ils sauront qui est l'auteur, ou bien qui sont les auteurs, puisqu'ils doivent être sûrement nombreux. Donc, maintenant, ils vont faire leur technique. Et voilà comment, donc, par la pratique, ils vont maintenant faire des incantations. Ils vont faire des appels, des convocations pour que l'esprit de M. Mabunda, Moussa Rouboud, soit vengé. Et que pour que cet esprit soit vengé, le chaman ou le mystique ou le grand sorcier va demander certains éléments de support. Et là, nous avons les habits. Voilà pourquoi au Gabon, au Cameroun, au Tchad, pour les pays où j'ai été et j'ai vu cette pratique-là, eh bien, souvent, la famille se précipite à prendre ces éléments-là. Alors, ils vont donc prendre ces éléments en vue de pouvoir venger la mort de leur frère, Moussa Rouboud. Donc, cette vengeance consistera au mec qui est là, de pouvoir faire certaines choses, certaines pratiques dont je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Moi, je connais comment ça se passe. Étant en possession donc des habits du mec, nous allons faire certaines pratiques. Au sud du Gabon, ils appellent ces pratiques communément le bundu. On frappe le bundu. Et quand on va frapper le bundu, mais il y a des éléments. Seulement, vous allez entendre l'expression « on frappe le bundu ». Mais il y a des éléments qu'on demande. Maintenant, au niveau du sud-est du Gabon, là, je vais du côté de dans l'Ivindo, où mes grands-parents existent jusqu'à présent, où j'ai bénéficié de certains rites, le rite de Mungala, à travers la circoncision et autres, il y a quand même, non seulement au-delà de la réalité de la pratique de la circoncision, mais nous autres qui avons été circoncis au-delà de 18 ans, il y a d'autres rites dont nous avons accès. Et la grande pratique ritualique, c'est le Mungala. Et là-dedans, bien sûr, toutes ces révélations que je partage avec vous, tous ces côtés mystico-sorciers et divulgués à tout initié. Donc, la première partie pour retenir, c'est de pouvoir faire le mal, rendre le mal au mal. Parce que notre parent ne peut pas mourir comme ça. Monsieur Moussa Rouboud a laissé une veuve qui est toute jeune, il a laissé des enfants, il était à un âge quand même, c'est pas normal. Donc, la première raison, c'est de pouvoir prendre ses habits pour répondre à votre question, afin de détruire ou de tuer l'ennemi. C'est-à-dire celui qui a voulu faire le mal à l'âme du patron. Et même dans certaines techniques mystico-spirituelles, le prêtre ou le chaman ou l'initié des mystères va communier avec l'esprit de M. Moussa Rouboud. Voilà les réalités que beaucoup d'entre nous négligeons, mais c'est des réalités. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le premier aspect consiste donc à vouloir tuer la personne qui a fait ce mal. Et le deuxième aspect, et que j'ai appris auprès de Brésiliens, c'est que souvent quand il peut arriver le cas où M. Mabunde pardon, monsieur Moussa Bounda, qui vient de nous quitter de manière brutale, eh bien, les auteurs qui ont contribué à la mort brutale de monsieur Moussa Bounda ont une complicité souvent avec les parents de ce dernier. Et parfois, ce sont nos propres parents, nous, qui ont précipité monsieur Mabounda de mourir de manière mystérieuse. Je répète que la mort d'un gros arbre qui tombe sur vous et qui vous tue subitement. Vous avez l'habitude, comme un ami là, qui est mort ici de manière bizarre, il avait sa compagnie, là je parle dans la zone de Lambaréné, il avait sa compagnie, il était agent forestier. On a trouvé l'un des employés, bizarrement, l'arbre est parti de nulle part et l'a scie coupant ses pieds. Alors que quelqu'un qui faisait ce travail depuis près de 25 ans. Il y a des cas comme ça, des grands mystères. Et cela donc pose des interrogations. Maintenant, le deuxième aspect que je veux développer avec vous donc, c'est sur le fait que l'habit là peut servir d'un élément échappatoire pour les auteurs du crime. Donc, après le crime, automatiquement, soit ils vont sur les lieux, soit avec la complicité des parents de la personne, ils vont demander à quelques membres de la famille de prendre vite ces habits-là. Oh, pardon, prends-nous les habits-là vite, s'il te plaît. Prends, enlève-les vite. Et une fois, ils demandent les habits et ils rentrent en possession de ces habits-là, eh bien, il y a des pratiques, une fois de plus, que je ne peux pas venir partager ici au public, mais je sais comment ça se passe. Là, c'est d'autres pratiques où le chaman ou le prêtre ou l'initié des grands mystères, ce frère de lumière ou cette maman de lumière va automatiquement donc embrouiller et créer de la brouille autour de la mort mystérieuse de M. Moussa Bounda. C'est-à-dire que, parce qu'ils savent, le cas d'espèce au Gabon, il y aura sûrement le Bounda qu'on va frapper, il y aura d'autres pratiques qu'on va faire. Chez les Fang, ils vont sûrement faire leurs pratiques, chez le peuple Kota. Donc, tout ceci peut faire en sorte que, à la fin, ça va créer une panique auprès des auteurs du crime. Alors, ils rentrent vite en possession de ces habits-là. Et quand ils rentrent en possession de ces habits, ils vont pouvoir donc, faire des techniques de blindage. De blindage de qui? Ben, ils vont se blinder eux-mêmes afin d'éviter d'être reconnus coupables du crime de M. Moussa Bounda. Alors, ça, c'est la deuxième raison. Donc, la deuxième raison, c'est quoi? C'est que l'auteur du crime ne veut pas qu'on trouve une trace de crime mystico-spirituel. N'aimerait pas qu'on sache que c'est lui le criminel. Alors, il cache toute trace en rentrant en position vite avec les habits. Et puis, pour empêcher le Bounda, pour empêcher toute autre pratique mystique dangereuse qui, pour la plupart des parents en Afrique, même s'ils sont chrétiens, rassurez-vous, l'animisme, comme les Blancs le disent, va toujours s'infiltrer dans la foi parce que l'homme noir accepte difficilement la perte de son parent, surtout à un âge quand même. Ils ne sont pas là pour dire « oui, c'était la volonté de Dieu, oui, pour votre information ». La volonté de Dieu, c'est de voir tout le monde vivre longtemps. La volonté de Dieu, c'est de voir tout le monde vivre heureux. La volonté de Dieu, c'est ça. La volonté de Dieu n'est pas de tuer quelqu'un brutalement avant l'âge de 90 ans ou 100 ans ou 150 ans, pourquoi pas. La volonté de Dieu, c'est de voir que vous puissiez vivre le plus longtemps possible et bénéficier de la grâce divine. Et cette grâce divine, vous bénéficiez, oh là là, les moustiques, vous bénéficiez donc de cette grâce-là en faisant le bien aux autres. Mais quand vous faites le bien, ça veut dire que vous assurez également que vous êtes le pilier et l'équilibre du bien et du mal. Parce que Tétan Mwanga nous a créé avec cette volonté de la notion du bien et du mal. Donc, c'est vous de contrôler ça. Il ne faut pas être trop bon, il ne faut pas être trop mauvais, il ne faut pas être trop couillot, mais soyez au centre. Bref, en tenant compte donc de cette loi de l'équilibre de la vie, que vous êtes, si vous voulez, l'auteur de la vie, vous êtes donc maître de votre vie, et étant maître de la vie, vous devez donc être en mesure de contrôler le bien et le mal. Et votre rôle, vous êtes donc gardien, vous êtes le pilier, si vous voulez, de cet équilibre du bien et du mal. Car Dieu a donné à l'homme cette notion-là. Donc, cela est très important. Ce qui fait que le décès de M. Moussa Bounda, premier pilier, soit on le fait pour pouvoir faire le mal à l'individu qui a fait le mal, dent pour dent, œil pour œil. Certains sûrement me diront et contesteront. Non, il faut laisser la vengeance à Dieu. Ça, je vous en prie, ça, c'est un langage terre à terre qui est réservé uniquement à nos frères religieux. Ce sont les blancs qui sont venus nous faire croire ça. On te gifle à la joue gauche, alors présente la joue droite. Ça, c'est des termes de lâcheté, simplement pour permettre le frère blanc de venir exploiter nos richesses. Et quand je parle, je ne suis pas raciste, hein, mais c'est malheureusement des vérités, et nous l'avons constaté jusqu'aujourd'hui. Faire croire aux gens qu'ils vont aller vivre au paradis et tout cela. Donc, le premier aspect sur l'équilibre du bien et du mal, le mal, parce que celui qui a fait le mal à votre parent, ben, il doit payer ce mal. Il n'est pas normal. Oui, la balance de la justice, elle est telle qu'elle est. Et c'est pour cela que nous avons des institutions ici-bas. Nous avons un ministère de la justice. Nous avons des juges qui vont à l'école. Voilà, c'est ainsi que Dieu a établi les choses. Maintenant, ça c'est le mal pour le mal. Et maintenant pour le bien, ben, écoutez, le bien, ça va faire le bien pour la famille parce qu'au moins, il y a eu vengeance. Ils sont rassurés que leur parent, au moins, a été vengé et que l'âme de ce parent également, ça c'est le troisième aspect que j'ai oublié de vous dire, que l'âme de ce parent, en fait, est sur les bonnes mains. Pourquoi? Parce que cette âme aurait dû être aux mains des criminels, aux mains des bandits qui devaient exploiter, n'est-ce pas, l'âme de M. Moussa Rubunda. Et puis, finalement, on est là, et voilà comment le pauvre Moussa Rubunda, son âme va être utilisée par des bandes de voyous qui veulent peut-être la promotion au gouvernement, qui veulent être des hommes d'affaires, qui veulent renforcer leur pouvoir de prospérité ou de richesse. Voilà un peu autour de cette question très importante que j'ai voulu brièvement vous donner en moins d'une, disons en une demi-heure, vous donner mon point de vue en tant qu'initié des mystères. Et ce point de vue n'engage que moi, et c'est par rapport à mon expérience, par rapport des cas que j'ai vécu personnellement, j'ai vu cela au sein de ma famille, surtout maternelle, le côté d'ici, nous avons vu des cas comme ça, et j'ai observé effectivement, au décès de l'une de mes tantes, cette notion-là de l'affaire du linge qu'il fallait amener, il fallait faire ceci, toute la ritualité autour du linge laissé par le partant. Hein? Il n'y a pas que ces deux aspects-là, il y a d'autres aspects. Ce linge peut servir à la protection, ce linge peut également servir de connexion, parce qu'on peut faire un talisman, ça j'ai appris ça dans la talismanie pratique tibétaine, on peut vous fabriquer un talisman, c'est-à-dire pour le reste la famille, la veuve, les enfants, si c'est le cas de l'homme qui est mort. Maintenant, c'est beaucoup plus récurrent comme ça, c'est beaucoup plus courant dans ce sens-là. Par contre, quand la femme meurt, c'est beaucoup plus, on laisse ça aux enfants, mais le mari n'est pas trop concerné. Mais quand c'est l'homme, eh bien, on peut prendre les objets ou l'habit qu'avait ce monsieur, on va faire un grand talisman avec, un talisman de protection pour la famille, afin que l'âme de celui qui est parti, comme on le dit, les morts ne sont pas morts, que cette âme-là, l'esprit continuera à veiller sur sa famille jusqu'à la prochaine incarnation. Voilà donc brièvement ce que je voulais vous dire sur cette question. Une fois quelqu'un meurt, que peut-on faire avec le linge? Pourquoi il y a certaines personnes qui se précipitent à vouloir entrer en possession du linge du partant ou de la partante? Voilà. Je crois, j'ai fait de mon mieux maintenant. Je sais qu'il y aura tous des gens qui vont contester. Soyez-en libres. Rassurez-vous que moi, Moréo Nouvier, quand je viens faire mes enseignements, je les fais sur la base de mes propres expériences. Je n'ai aucun livre, je ne lis pas dans un livre, je ne vais pas faire quoi que ce soit. Ce sont des initiations que j'ai reçues, sont des connaissances que j'ai expérimentées, j'ai vécu cela. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on me pose, mais donc parfois je ne veux pas répondre. Des fois je dis à la personne, excuse-moi, je ne suis pas en mesure de répondre à la question. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me baser sur les expériences de quelqu'un d'autre, des fois qui ne sont pas forcément cartésiennes. C'est-à-dire l'esprit cartésien qui consiste à accepter quelque chose uniquement quand vous l'avez expérimenté vous-même. C'est ainsi que je suis cette démarche, je fais passer mes connaissances à tous ceux qui sont de loin et de près intéressés par les grands mystères de la vie. Car aujourd'hui, c'est un grand mystère de la vie que nous avons abordé. Que Tete Mwanga vous bénisse et je vous permets donc de pouvoir encore ici apprécier quelques moments de musique. Et d'ici là, portez-vous bien. Et si telle est la volonté de Tete Mwanga, je viendrai vous donner un autre enseignement sur l'iboga, les vertus et les bénéfices de l'iboga. Non pas dans le sens de l'initiation, parce que beaucoup de gens pensent que l'iboga c'est uniquement pour l'initiation. Mais là, très prochainement, je viendrai vous parler les bénéfices de l'iboga dans d'autres domaines de la vie. Et je vous ferai certaines révélations. Quel est le pays au monde actuellement qui exporte beaucoup plus ou qui utilise l'iboga en vue, non pas pour des initiations mystico-spirituelles, mais pour d'autres fins? Je vous en parlerai. Soyez bénis et apprécions ce moment de musique. Nangega putu kuore bone chande kwa po po po po po po kanda mungo chango chwande mbe yengo ya nani na yoko na yoko na yoko na yoko makambi lombe lombe ino ibulio mungere na roi we yoko ndo lombe ino ala tu ebizo ere bizo nyambie chona naka ure jibira ko jibira ko jingina ko giga mungere miyebo no Higa! Yebe bulunye ne mane! Akewari! Giri! Akewari! Bambi yani! Makambi malete tanda! Kodena no mana amgama ya wewa ubute kokwata! Kabuta anaka kokwata nwe! Kewani baseo! Thank you. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Que tu es à moi, vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Et je viendrai prochainement vous sortir un autre enseignement sur la véritable valeur du bois sacré, Iboga. En dehors du fait que les gens pensent toujours à l'affaire, les gens pensent seulement que l'Iboga, c'est uniquement pour les initiations. Mais vous allez découvrir autre chose. Ça, rassurez-vous. J'aurai à partager avec vous mes expériences, les expériences d'autres personnes sur l'Iboga. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Et bonne journée à tous. Merci encore. Merci encore. Merci, merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée. Merci.